Palais le froid dans mes yeux, cristallise les larmes qui ont coulé un peu. Le gel ou la flamme, la neige ou le feu, n'ont-ils choisi mon âme que pour me briser mieux? Faut-il comme on peut aimer de toute son âme ou bien fermer les yeux? Regonfle ma voile, vent fou et furieux, et pardonne à mon cœur mes songes amoureux. J'attends que tu viennes me connaître mieux, déterrer mon silence, creuser là dans mes yeux. Si j'ai de la peine, c'est qu'à bout de cœur, comme une sœur, je t'aime, de te perdre j'ai peur.